Chapitre 62. Le crépuscule incendiait le paysage boisé. Les arbres, la route, le torrent, tout prenait une teinte cuivrée, fantasmagorique, dans cette lumière précise, éclatante, rasante, qui était comme un dernier flamboiement avant la nuit. Servaz conduisait d'une main et demie sur la route étroite au fond de la vallée, en suivant le lit encaissé du ruisseau. Le toubib du SRPJ avait examiné son pouce, les points de suture provisoire, et l'avait invité à se faire opérer au plus vite. En attendant, il avait changé le pansement et la telle et lui avait prescrit un autre antibiotique, de l'augmentin. Le médecin avait aussi examiné son visage et ses côtes, mais Servaz commençait à mieux respirer. Il y avait dans ce décor de forêt et de montagne, dans cette solitude du soir qui descendait, dans le champ humide du torrent, dans l'ombre grandissante des bois, une tristesse et une mélancolie qui l'étreignirent puissamment. Il songea de nouveau à Vincent. Au dernier mot prononcé par Charlène au téléphone. « Tu aurais dû le protéger, et tu ne l'as pas fait. » Et à la froideur de son ton. À Léa, qui rentrait pour une mystérieuse raison, qu'elle allait bientôt lui dévoiler, et qui signifierait peut-être la fin de leur relation. Il avait l'impression d'être un vêtement usé jusqu'à la corde qui va bientôt craquer de toutes parts. Un vêtement qui a beaucoup servi et qu'il est temps de jeter. Il était au bord de la rupture, dans un état d'épuisement nerveux et physique extrême. Il se demanda combien de temps il tiendrait comme ça. Il savait aussi qu'il n'avait plus les idées claires, qu'à ce stade il pouvait commettre des erreurs. Il espéra que Samira était plus lucide que lui. Quand il attaqua les virages montants vers la demeure de Delacroix, à travers la forêt, les feuillages frémissaient à l'approche de la nuit. « C'est lui la clé », pensa-t-il. « À l'origine de tout cela, il y a cet homme, cet artiste, ce cinglé. » Cette hypothèse était la bonne, il le savait. Même s'il n'arrivait pas encore à voir le tableau dans son entier, à en assembler toutes les parties. Dans les trouées sporadiques de la végétation, les montagnes se dressaient, gardiennes éternelles indifférentes de la région. Il remonta la longue allée coiffée d'un dais de verdure au moment où clignotaient les dernières lueurs du couchant, et il eut l'impression d'émerger de l'ombre des bois dans une lumière aveuglante, abrasive. Chaque feuille du lierre de la façade brillait telle une paillette sur une robe. Il descendit de voiture dans un grand silence. Les oiseaux s'étaient tus. Une femme brune fit son apparition sur le perron, hiératique et fière, les épaules couvertes d'une cape sombre, en compagnie de deux gros chiens noirs. Il sortit sa carte. « Commandant Servaz du SRPJ de Toulouse, » dit-il. « Je cherche Morbus de la Croix. » La lumière rouge du couchant illuminait le visage de la femme, la quarantaine, plus grande que lui avec ses talons, belle, les cheveux bruns et raides. Une beauté ténébreuse, celle de ces actrices qu'on voyait dans les films de série B des années 1970. Une vestale entretenant le feu sacré, songea-t-il en pensant à sa présence au fond de ces montagnes, aux côtés de Delacroix. « Qu'est-ce que vous lui voulez ? » dit-elle. « Il est déjà mis en examen. Je croyais que vous ne pouviez plus l'interroger à partir de là. Je ne viens pas pour cette affaire. » Elle eut l'air interloqué. « Pourquoi alors ? » ?»« Il est là. » Elle lui fit signe de la suivre. Il lui emboîta le pas à travers le vestibule lambrissé de bois sombre et ouvragé, pareil au jubé d'une église. Morbus de la Croix agressant une étudiante, c'est d'un ridicule ! S'emporta-t-elle en marchant. Et c'est partout dans la presse, évidemment. Naturellement, on n'a pas donné à Morbus la possibilité de se défendre. Au bout d'un couloir tendu de tissu rouge, elle s'arrêta devant une porte matelassée décorée de gros clous dorés, la poussa et l'invita d'un geste à entrer, puis s'éloigna dans l'autre sens sans un mot de plus. Il s'arrêta sur le seuil, une salle de projection. Quelqu'un était assis au premier rang. Sur le grand écran, dans le fond, passaient des images représentant un paysage farci de neige à travers lequel marchait une femme vêtue d'une chemise de nuit. La caméra se déplaçait très lentement en un travelling circulaire. Le plan était d'une beauté époustouflante. Une voix s'éleva. « C'est moi que vous cherchez, commandant ?» Serva sursauta. L'homme ne s'était pas retourné. Comment savait-il qui était là? Il n'avait quand même pas des yeux derrière la tête. Et comment connaissait-il son grade alors qu'il n'avait pas été présenté? Puis il se dit que Delacroix avait dû l'entendre parler à son épouse quelques minutes plus tôt, sans se manifester, et qu'il était retourné ensuite s'asseoir dans la salle de projection. « Vous m'attendiez ?» dit-il en descendant vers le premier rang. « Depuis hier et pendant toute cette journée, » confirma la voix doucereuse de Delacroix, sans que son propriétaire cessât de lui tourner le dos. « Mon esprit vous a suivi pendant que vous montiez dans cet avion quand vous avez atterri à Toulouse. Il était à vos côtés pendant que vous rouliez jusqu'à moi. Et quand vous avez traversé cette maison pour entrer dans cette salle, il ne vous a pas lâché. Mes condoléances sincères pour votre collègue. » La voix semblait remuer la pénombre de la salle comme un bâton une eau sombre. Servaz tressaillit. Il se demanda quel était ce nouveau tour. Il eut l'impression que ses tempes palpitaient. « Comment vous faites ça ? » dit-il. « C'est quoi votre truc ? Comment vous savez qui est entré dans cette salle et pour quelle raison ? Et comment êtes-vous au courant pour mon collègue ?»« Nous vivons à l'intérieur d'un rêve. Mais qui est le rêveur ?» récita Delacroix sans cesser de fixer l'écran. « C'est dans Twin Peaks. Vous croyez à la magie, commandant ?»« Celle du cinéma, j'entends. » Il se leva sans attendre la réponse, pivota vers Servaz, qui avait atteint le premier rang, désigna quelque chose au ras du sol, dans l'angle entre la scène et le mur latéral, un petit miroir. « Car, bien sûr, il n'y a aucune magie ici, » poursuivit Delacroix. « Ce miroir me permet de voir qui entre dans cette salle sans avoir besoin de me retourner. » Et Ezra m'a appelé hier. Il m'a raconté sa rencontre avec un commandant de police sur le tournage de cette daube à Etretat. Ce con va foutre sa carrière en l'air s'il accepte d'autres navets de ce genre. Il m'a dit que ce policier cherchait à en savoir plus sur moi et sur le tournage d'Orpheus. Quelque chose de grave s'était passé. Qu'un flic était mort ces derniers jours et que le commandant en question avait l'air bouleversé, qu'il faisait peur à voir avec ses blessures au visage. « Je suis sincèrement désolé pour votre collègue, je tiens à ce que vous le sachiez. Si je peux vous aider en quoi que ce soit... » Il fit un pas de plus. Les lumières se rallumèrent. L'homme était de petite taille, d'une pâleur extrême, d'une laideur tout aussi extrême, mais puissante, charismatique, fascinante. Un visage qui trahissait une autorité naturelle, un appétit d'ogre pour tous les plaisirs de la vie, mais aussi un tempérament orageux. « Je ne crois pas à la magie, commandant, ni au diable, contrairement à ma femme. » Il marqua une pause, baissa les yeux, les releva, et la lumière provenant de l'écran sembla danser sur eux. Il regarda fixement le policier. « La vérité. Nous cherchons tous la vérité, commandant, sur nous-mêmes, sur les autres, sur notre existence. La vérité se dérobe toujours, jusqu'au bout. Mais ce soir, je vais vous la dire.